Avant de commencer, là, ce serait peut-être bon que vous sachiez qui vont permettre à l'homme de rentrer dans cette fonction, cette haute fonction mentale-là. Puis, ce livre-là, ça va être une mémoire, ça sera une mémoire. Je ne sais pas si, je peux pas vous dire s'il va être l'épaisseur du livre, probablement que ça va être une brique comme la Genèse, là, parce que eux autres, quand ils écrivent, ils n'ont en masse à dire. C'est bon que vous sachiez que je vais écrire un livre sur la psychologie évolutionnaire. Je peux peut-être vous donner des petits détails, là. Ils disent que ça, je vais commencer à l'écrire aussitôt que je vais me sentir bien. Ils disent que ça va nous permettre de réellement comprendre qu'est-ce que c'est la psychologie. Ce livre-là. Ils disent que ça va être avancé dans le sens que ça va être occulte, mais ça va être compréhensible, ça va être sain. Les mots vont être sains. Puis même les gens simples d'éducation vont pouvoir le comprendre. Fait que quand est-ce qu'il va sortir? Il dit, ça va sortir quand ça va sortir. Okay. So. Fait que c'est intéressant. Ça va sortir quand ça va sortir. Mais j'ai hâte de le voir, qu'est-ce que c'est, ce livre-là. Parce que ça va arrondir nos connaissances. Il y a déjà un médecin en France là, qui a fait une thèse doctorale, puis qui a pris des sections de la Genèse du réel. Fait que c'est bon, ça se... Mais avec le livre, avec un livre comme ça, comment est-ce que je vais l'appeler, ce livre-là? Il dit que ça va s'intituler « La psychologie évolutionnaire ». Ils sont consistants. Ouais. Moi, je peux-tu vous faire une prévision pour la sortie du livre? Ça ne peut pas rire trop. Ça pourrait vous étouffer? OK, on y va. On parle. OK. Dans la deuxième partie, Bernard, le thème, c'est violence et morale sociale. Tout à l'heure, vous avez dit on voudrait parler des jeunes. Et puis, effectivement, on est dans une dynamique sociale où il y a beaucoup de violence. Il y a beaucoup de violence dans la musique, il y a beaucoup de violence par le biais du cinéma. Il y a beaucoup de violence même aussi au niveau des médias. Là. Tu sais, quand on s'en va dans le domaine des médias, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'agressivité. On parle des skinheads, on parle de toutes les formes d'agression par le fait des journaux, là, tu sais, de la Bosnie, puis toutes ces bebelles-là. La guerre est accessible à l'individu plus qu'avant. Quand on parle de jeux vidéo pour les ordinateurs, entre autres, c'est toujours des luttes, des combats, de l'assassinat. En tout cas, il n'y a rien qui est relax là-dedans. Y a-t-il un médicament qu'on peut donner à une société pour que ça arrête ça? Ou bien, si c'est nécessaire à une société de vivre cette continuelle forme de dualité, de combat entre deux idéologies? Parce que finalement, la violence, ça vient de deux idéologies qui se rencontrent pas, là. Mais y a-t-il quelque chose qui peut être fait pour une société pour neutraliser cette violence-là? Dans une société. C'est très, très complexe, le phénomène de la violence dans une société. On peut en étudier quelques étapes. Un des problèmes fondamentaux de la violence dans la société moderne occidentale, même orientale, c'est que dans la violence, l'homme recherche, ou les nations recherchent une identité. La violence, c'est une réaction psychologique à l'absence d'identité. Puis l'homme peut pas vivre dans un vide. Puis quand l'homme vit dans un vide social, comme là aujourd'hui, on vit dans un vide social, on n'a plus l'Église, on l'a plus comme avant, ainsi de suite. À ce moment-là, l'homme vit de la violence parce que il est obligé de réagir animalement, pour se sentir. La violence, c'est le besoin chez l'homme de se sentir. Mm-hmm. Donc, de se trouver une identité, mais à travers son animalité. C'est okay. Ça de la violence. Si l'homme est inconscient, il chercherait son identité à travers le mental, donc à travers le calme, la patience ou la spiritualité, s'il est un être spirituel. Fait que la violence dans notre société, elle découle du fait que l'homme moderne n'a plus de connexion psychologique avec les lumières de sa civilisation. Donc, les valeurs morales d'antan, les valeurs sociologiques d'antan, tout est en chambardement. Et en plus du fait qu'on est rentré, surtout depuis l'ère de la télévision, on est rentré dans une période où l'image est devenue, l'image a une valeur monétaire. Regardez ce qui se passe avec Calvin Klein, là. La grosse affaire de Calvin Klein, mm-hmm. Les annonces, Calvin Klein, il était réellement critiqué à New York, tu sais, mm-hmm. Au niveau des annonces, c'est ça. Annonces. Bon, mais l'image a une valeur monétaire. Le son a une valeur monétaire, la musique, mm-hmm. Et l'image a une valeur monétaire. Puis ça fait partie de la dégénération très, très rapide dans un sens de notre civilisation depuis les années 60-70. Mm. Puis c'est très, très astral parce que l'énergie astrale, c'est le fuel pour tout ce genre de mouvement-là. Alors, le fait que l'image et le son sont monnayables, ce qu'on retrouve dans l'industrie du cinéma, et ainsi de suite, dans l'industrie de la musique, ça pollue tout l'environnement de la vie humaine. Si vous enleviez aujourd'hui là l'image violente du cinéma et la violence sonore de la musique, la violence sociale tomberait. Fait que ça fait partie de la rupture des formes de notre civilisation. Ça fait aussi partie du fait que l'homme a plus contact avec sa spiritualité primitive, puis éventuellement ça va le ramener à découvrir une autre spiritualité, un petit peu plus évoluée là. Puis c'est inévitable. Ça fait partie des cycles lunaires de la planète. Puis, on n'a pas fini d'en voir parce que l'astral, ça s'empire tout le temps. Puis, est-ce que la violence... Où il y a une solution à la violence, ou où il y aura une solution à la violence, c'est au niveau individuel. Mais là, vous tombez dans l'éducation des jeunes. Les jeunes, dans la mesure où les jeunes vont se trouver une identité... Les jeunes vont se sortir de ces courants de violence-là, mais à ce moment-là, ils vont être obligés de s'identifier psychiquement à eux-mêmes. Ils ne pourront pas s'identifier trop à l'égrégore collectif autour des autres. Puis ça va faire partie de leur évolution. Ça va changer leur conscience. Ça va faire d'eux des êtres particuliers. Puis tu peux pas être conscient puis appartenir à quoi que ce soit. Mmh. Fait que c'est comme ça que les jeunes, la jeune génération ou ceux qui sont, ou les gens de l'autre, de la vieille génération qui se conscientisent vont se sortir de la violence ou ne participeront plus à la violence. Mais il n'y a rien à faire avec la violence. Ça va durer au moins jusqu'à l'an 2050. Puis en s'empirant, là. En changeant constamment de forme. Ça change constamment de forme. La violence va changer de forme. Oui, constamment. Ouais, ouais. Elle va constamment changer de forme. Elle va être plus subtile. Parce que l'homme a une très, très grande capacité psychologique de s'adapter à la violence. À des virus. Différentes sortes de virus. La violence, c'est un virus. L'homme s'adapte psychiquement, l'homme s'adapte psychiquement. L'homme va s'adapter à des choses. Dans 20 ans qu'aujourd'hui, il trouverait absolument abominable. C'est comme quand vous regardez en arrière, tu sais. on s'est adapté à Elvis Presley, mais il y a du monde dans le temps qui trouvait ça abominable, Elvis Presley. Mm-hmm. Aujourd'hui, Elvis Presley, comparé avec ce qui se passe, c'est un ange gardien. Ça fait que... même chose au niveau du cinéma. Bon, vous allez dire, mais y a-t-il une valeur à ça? Y a-t-il une valeur à la violence, puis à tout ça? Il y en a une valeur. Puis c'est une valeur qui est très étroite. C'est que elle permet à l'individu de se libérer de l'autoritarisme. Fait que la violence qui existe, les skinheads, vous parlez des skinheads? Ouais. Ces gens-là, les jeunes, dans leur mode d'expression, se libèrent de l'autoritarisme. Et la violence, mais c'est simplement une réaction. C'est un outil pour eux autres. OK. Fait que dans un sens, c'est normal que les jeunes soient plus violents. Puis d'un autre côté, il faut qu'ils fassent attention parce que l'égrégore de la violence peut devenir tellement puissant qu'éventuellement le jeune, en tant qu'individu, il est absorbé dedans. C'est ça le danger de la violence. La violence n'est pas dangereuse en tant qu'elle-même. La violence, elle est dangereuse dans le sens qu'elle va absorber des êtres qui n'ont pas suffisamment d'identité. Des êtres qui ont d'identité, mais la violence, ça fait simplement partie du panorama de la vie. Mm-hmm. Mais les êtres qui n'ont pas d'identité, ils vont être absorbés par la violence. Puis ça, c'est là qu'on les perd, ces jeunes-là. Mm-hmm. Donc, ils peuvent finir dans le meurtre, ils peuvent finir dans la drogue, ils peuvent finir dans toutes les choses. Fait que, pour éliminer la violence, chercher à l'éliminer sur le plan individuel. Sur le plan collectif, il y aura toujours des mécanismes sociaux pour la contenir. Mm-hmm. La police est là pour contenir la violence. Les gouvernements seront toujours là pour contenir la violence. Fait que dans le fond, la violence, c'est simplement un éclat temporaire d'énergie. Mais il y aura toujours des forces supérieures dans la société pour contenir la violence. Mais sur le plan individuel, l'homme doit développer suffisamment d'identité pour pas être affecté par elle. Parce que ça peut être très déprimant, éventuellement, de voir et puis d'être confronté constamment à de la violence. Peut-être que vous autres, vous la voyez pas, la violence dans la musique. Peut-être que vous la voyez pas, la violence dans les films. Ou vous la voyez pas, la violence dans la société, tous les jours. Mais là. Mm-hmm. La façon que les gens se parlent, ainsi de suite. Les gens ne le voient pas parce que ça les touche pas physiquement? Ou? Les gens ne le voient pas parce que les gens sont endoctrinés. Okay. Les gens sont endoctrinés. Bon, je vous donne un exemple. Quand il y a eu le mouvement de libération politique des années 70 au Québec, quand les artistes se sont mis ensemble et ont dit, bon ben, on se tutoie, il n'y a plus de vous là. Mm-hmm. Fait que même si tu te connais pas, si on te connaît pas, t'arrives dans un restaurant et on va te dire, bon, qu'est-ce que tu veux? Mais ils ont pas réalisé que c'était de la violence. C'est de la violence. Fait que si t'es jeune, pis t'as des buffers, ben, tu sens pas ça comme de la violence. Tu sens ça comme une sorte d'affinité, une sorte de camaraderie, ainsi de suite. Mais quand t'as une certaine sensibilité, ça devient de la violence. Mm-hmm. C'est réel. Mm. Tu le réalises. Moi, il y a une maîtresse qui m'arriverait dans un restaurant pour me dire, bon, qu'est-ce que tu veux? Tu veux-tu des toasts ce matin? Je dirais, veux-tu coucher avec moi? Tu allais chier. Tu sais, mange donc la marde. J'y renvoyerais tout de suite pour lui faire comprendre que tu me connais-tu? Je donnerais un choc. Fait que. Parce que ma conscience vibre à ça. Ouais. C'est la violence. Est-ce que Bernard, ça voudrait dire que le niveau de violence augmente avec la diminution de la sensibilité des gens? Oui, définitivement, parce que à partir du moment où la masse devient insensible, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que les âmes, toutes les âmes, inconsciemment, se connectent. Fait que quand t'es dans une société, là, les âmes, à travers le langage, l'image, le son, les états subtils, ils se connectent. Puis là, ben, ils se développent ce que tu appelles l'égrégore de la masse. Puis là, ça peut devenir très, très puissant. Puis ça peut dégénérer quand c'est déclenché par des événements. Par exemple, aux États-Unis, quand il y a eu King qui s'est fait frapper en Californie. Est-ce que... Fait que, tandis qu'un individu, il va pas connecter au niveau de l'âme avec les âmes des individus dans un environnement. Il va rester toujours sous contrôle de son énergie astrale. C'est la violence qui collectivise. La violence, ça collectivise pas. Mais le manque d'identité va faire que la violence va collectiver. OK. C'est toujours... Ça, tout revient à un manque d'identité. Parce que vous regardez des gens là, qui étaient en campagne, la maison d'un cultivateur passait au feu, c'est violent comme événement, puis automatiquement, il y avait ce qu'il appelait un UBI, tout le monde se réunissait pour aider l'individu à se reconstruire. Donc, la violence peut vouloir faire mettre du monde ensemble pour... Oui, mais c'est parce que dans ces conditions-là, il y a une conscience, il y a une identité sociale. C'est l'identité sociale qui leur permet de faire ce choix-là d'aider le gars. Mm-hmm. Ça, c'est un mouvement positif. Mais il y a le pendant négatif aussi, mais... de prendre position contre l'élément attaquant. Là. Quand tu as deux idéologies qui se confrontent, tu sais, astrologiquement, en tout cas, il est prévu qu'il y ait beaucoup de conflits raciaux dans les prochains 18 ans. Là. Bon, ben, deux idéologies qui se confrontent, ça va faire prendre position des gens contre une autre idéologie. Toujours parce qu'il y a un manque d'identité. Un homme qui est dans son identité n'est jamais impliqué dans des conflits sociologiques ou dans des conflits politiques ou dans des conflits d'ordre collectif. C'est impossible. Votre contact va vous le faire couper. Ouais, tu sais, un gars vient chez nous moi, puis pour me demander pour qui est-ce que je vote. Je vais automatiquement lui dire que je vote pas. Parce que je vote pas. Fait qu'il faut qu'il s'en retourne. Puis... tu peux pas, ça veut pas dire que je dis au monde de pas voter, c'est pas ça que je dis. Je parle de moi en tant qu'individu. Bon. Fait que. Mais si vous prenez une population de gens conscients, ça va faire une autre sorte de gouvernement. Ouais, mais là, c'est parce que vous extrapolez, là. Mais le principe au niveau individuel, quand tu es individuel, c'est bien difficile d'expliquer ça, l'individualité. Moi, vous l'expliquez. C'est son application qui est difficile. Ouais, son application. Quand tu es individualisé, là, quand tu as de l'identité, là, dans le sens que je le parle, là, quand tu as de l'identité, tu vis toujours par rapport à toi. Tu vis jamais par rapport aux autres. Tu respectes les autres. Mais tu ne vis jamais par rapport aux autres parce que la conscience des autres ne soutient pas ton intelligence. T'es pas capable de d'établir de rapport. Mais la raison que tu es capable de le faire, c'est-à-dire, la raison que tu es capable d'être seul, c'est parce que tu as l'identité. C'est le problème de tous les hommes, l'identité. Si les hommes sur la Terre avaient de l'identité instantanément, la civilisation terrestre changerait. Tout changerait. Les formes de gouvernement changeraient. Tout changerait. C'est occulte, l'identité. L'identité, c'est pas un paramètre psychologique. C'est pas une invention de l'homme, l'identité. C'est un rapport étroit entre sa nature planétaire et sa nature cosmique. Fait qu'une fois que l'homme a commencé à rentrer dans cette réalité-là, il ne peut plus vivre son expérience comme avant. Donc, il ne peut plus participer à la violence. Il ne peut plus aider à la violence. Il ne peut pas créer de violence. Fait que ça, c'est un problème d'identité. C'est pour ça qu'un jour, il faudra qu'un jour vous fassiez une conférence puis qu'on étudie la situation des jeunes aujourd'hui qui sont victimes d'un schisme ou d'un déchirement de la conscience sociale. Autrement dit, des années 40, 50, au grand vide des années 60, 70, 80, 90. Puis là, ils sont là-dedans, là. Puis, faut qu'ils se trouvent une identité sociale. On parle pas d'identité psychique, là. On parle d'identité sociale. Il faut avoir ça, une identité sociale? Les jeunes s'en cherchent une identité sociale. Non, mais est-ce qu'il en faut une? Mais il en faut une parce qu'ils n'ont pas d'identité psychique. S'il y avait d'identité psychique, il n'y aurait pas besoin d'identité sociale. OK. Ma fille, elle n'a pas d'identité. Elle a une identité psychique. Fait qu'elle n'a pas besoin d'identité sociale. Si elle va à l'université, puis le prof, lui, il compte des conneries, ça va être des conneries pour elle. Mm-hmm. Mais elle va pas y dire parce qu'elle va respecter le prof. Elle est capable de respecter le prof. Elle va pas rentrer dans un mouvement de violence par rapport au prof. Mais elle va pas perdre son temps. Elle va changer de prof pour aller voir un autre prof qui peut y apporter quelque chose. Parce qu'elle a une identité psychique qui lui est personnelle. Tandis que nous autres, ben, on n'a pas d'identité psychique parce que on n'a pas été cultivé dans une psychologie évolutionnaire. On a été cultivé ou acculturé dans une psychologie sociale. Où le pouvoir est toujours ou n'est jamais dans nos mains, il est toujours en dehors de nos mains. Donc, on est techniquement victime d'une forme d'autoritarisme très, très apparent, comme dans les pays socialistes, ou moins apparent, comme dans les pays capitalistes. Mm-hmm. Tandis que si on avait de l'identité psychique qui fait partie de l'évolution de la conscience humaine, à ce moment-là, on n'aura pas de problème avec, avec l'identité sociale, puis on ne pourra pas facilement être absorbé par ces grands mouvements de masse-là qu'on appelle les mouvements violents de l'évolution. Puis les jeunes, eux autres, pourraient à la fois bénéficier de la sorte de dynamique moderne là, de leur génération, mais en même temps garder leur identité. Quand on parle d'une forme d'identité sociale, on parle toujours de champ d'influence. Identité sociale, ça veut dire comment est-ce que toi, tu te comportes par rapport aux autres dans le cadre de leur approbation. Autrement dit, dans une identité sociale, c'est le monde autour de toi qui approuve de ton comportement. Si tu déroges de ce comportement-là, tu deviens marginal par rapport aux autres. Puis si tu es dans un milieu qui est moindrement violent, ils peuvent te casser une jambe, par exemple. Mm-hmm. T'sais, un petit jeune, là, un jeune qui arrive à l'école, là, puis disons qu'il aurait été éduqué dans une famille assez correcte, là, puis qui arrive dans une école difficile, là, parce qu'il a changé de place ou déménagé, là. Il y a des lois dans cette école-là, là, dans le cours d'école, là. Puis il va être obligé de se plier à ça, ou il va être obligé de faire une lutte, ou il va être obligé de partir. Ça fait que... Quelqu'un qui a une identité psychique... S'il avait une identité psychique, il dirait à son père, je vais pas dans cette école-là, la vibration est pas bonne. Le père, il dirait, c'est vrai, pas bonne la vibration. On t'envoie ailleurs, ou on te garde chez vous. Bon. Bernard, on est dans un environnement social où quasiment chaque ville a son groupuscule d'influence. On revient toujours des rapports de force, des rapports de puissance. Fait que c'est celui qui frappe ou qui va tuer, qui va quasiment définir sa loi. Si on est dans une société où la violence, c'est la loi, OK? Ça a été comme ça dans les années 1700, 1800. C'est juste que la forme a changé. C'est plutôt au niveau verbal aujourd'hui. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des courants souterrains qui sont très puissants. On parle de la mafia ou ces choses-là, qui font aussi leur loi et qui en font une très forte, si on regarde monter ça dans les journaux. Est-ce qu'un être humain qui s'individualise, qui est psychiquement individualisé, a intérêt à se donner un environnement social où il y a des courants idéologiques qui font pas son affaire? Donc, en d'autres termes, est-ce qu'un individu qui a une identité psychique doit se retirer de ce qui se passe dans cette société? Votre question est mal posée. Parce que là, vous posez une question... Puis, vous demandez dans la question si un être qui a une identité psychique doit naturellement ou sera amené naturellement à s'exclure de ça. Puis, c'est pas, la question est mal posée. Pourquoi? Parce qu'elle prédispose l'homme à une attitude mentale. Puis ça, c'est pas bon. L'homme, quand il devient conscient, automatiquement, il va s'exclure. Mm-hmm. C'est par rapport à son, c'est en fonction de son identité qui va s'exclure. Moi, je dirais jamais à un jeune, bon, ben, écoute, là, tu vis dans un milieu, là, difficile, là, tu devras sortir là, de là, papa. Non. Parce qu'il y a les corps pour être là. Il y a les corps pour la vivre, la guerre. Mais, si je dis aux jeunes, tu penses ce que tu penses. Puis qu'il en arrive à comprendre ça. Hein, puis que sa conscience change. Un jour, automatiquement, il va être obligé de sortir de ça. OK. Le grand danger avec des notions qui sont totalement ouvertes, comme la psychologie évolutionnaire, c'est que les gens développent des attitudes qui disent « Ah ben, je suis un être qui a une certaine conscience, je vais sortir de ce milieu-là. » Là, c'est une forme de prédéterminisme, puis c'est pas bon parce que ça va vous demander de développer une attitude mentale. Okay. Pis c'est très possible que, étant dans ce milieu-là, vous aviez des choses à apprendre. Mm-hmm. Mais le point que je veux dire, c'est que si l'homme se conscientise, développe une identité psychique, automatiquement, il va être obligé de se sortir lui-même de ces environnements-là. Faut que ça soit une conséquence de votre évolution de sortir de ces mondes-là. Faut pas que ce soit une attitude mentale. Si ça part d'une attitude mentale, vous allez vous rentrer dans un autre milieu qui va être aussi pire que celui que vous avez laissé. OK. Bon, dans les milieux qui véhiculent beaucoup de violence, il y a toujours le syndrome du héros. Laissez-moi vous dire une chose. Je vais vous donner un exemple. Là, ma fille était en Hawaï, là, ça fait, à Hawaï, ça fait pas longtemps. Puis à Hawaï, il y a une grosse communauté spirituelle. Là, New Age. New Age, là. Bon. Il y a des gens, il y a des gens de 40-50 ans là-dedans, là. Des gens, même des gens qui ont de l'argent, hein. Des gens qui sont matériellement à l'aise, ainsi de suite. Puis des gens qui ne le sont pas. Mais ce qui est intéressant dans toute cette expérience-là, c'est qu'elle est allée, puis elle est jeune, ma fille, elle a 22 ans. Fait qu'elle s'en va à Hawaï, puis elle avait un travail à faire, elle avait des gens à rencontrer. Puis elle, à cause d'amis que j'avais, elle est rentrée dans cette communauté New Age-là. Puis, les gens lui ont laissé savoir, à travers leur expérience, le caractère bénéfique des drogues. Puis ils ont tout énuméré, là. Drogue de 6, qu'est-ce que ça fait? Telle drogue, qu'est-ce que ça fait? Quelle drogue, qu'est-ce que ça fait? Telle drogue, qu'est-ce que ça fait? Puis elle dit que c'était tellement merveilleux la façon... Puis là, tu prends le contexte là-bas, là. Des dauphins qui se promènent, là, puis les jeunes, puis l'eau qui tombe des rochers. Tu sais, c'est Hawaï, c'est beau. Bon. Puis là, tu sais, ces gens-là, de 45-50 ans, là, les yeux en graisse de bine, qui sont en train de dire comment c'est merveilleux la drogue de ci. Puis qu'est-ce que ça fait, cette drogue-là? Puis elle me dit, si tu m'avais pas parlé, elle dit, je serais tombé dans le panneau, je l'aurais pas vu. Parce que c'est des gens qui sont très sensibles. Il y en a qui sont voyants là-dedans. Puis ils sont capables de te rentrer dans leur monde. Mais comme elle avait de l'identité, puis elle est très polie, elle les a écoutés, elle a appris ce qu'elle avait à apprendre d'eux autres, mais elle n'est pas tombée dans le piège de la drogue avec eux autres. Mm-hmm. Pourquoi? Parce qu'elle avait de l'identité. Puis elle me l'a dit, elle dit, c'était tellement beau là-bas, c'était tellement, tout amenait à ça. Fait que si vous prenez un jeune normal, vous l'envoyez en Hawaï, rencontrer des gens de même, c'est automatiquement qu'il va finir sa soirée, il va fumer du pot, whatever. Mm-mm. Fait que le phénomène de l'identité, c'est un phénomène qui est très, très profond. Puis on n'en connaît pas tous les aspects aujourd'hui. Mm-hmm. On le réalisera au fur et à mesure qu'on rentrera dans notre identité, qu'on saura qu'est-ce que c'est que ça veut dire, l'identité. Mais définitivement, l'identité, c'est le cristal de la conscience humaine. Si vous regardez le phénomène de l'identité sur les plans subtils, un homme qui est dans son identité, sur les plans subtils de la lumière, il est dans un cristal de lumière. Donc, ça va loin, l'identité. Fait que, dans une société violente comme la nôtre, si l'individu n'a pas d'identité parce que ça ne fait pas partie de l'information qu'il a reçue au niveau de son évolution, ben à ce moment-là, il vit toujours par rapport à ce qui se passe, puis c'est pour ça que la vie des jeunes est difficile. Fait que tu as des jeunes qui ont une bonne vibration, qui sont fins, qui sont intelligents, puis qui se cherchent une identité à un tel point où, éventuellement, ils se disent, ils tombent dans la trappe, ils se disent, « Bon, mais c'est la société qui me doit ça. C'est la société. » Puis c'est pas vrai. La société ne doit rien à l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme a toutes les ressources possibles, imaginables, en dedans de lui-même, pour se sortir et pour se mettre en vue ou au-delà de la conscience, de l'inconscience sociale. L'homme a des grandes, grandes ressources. Mais si il a été amené dans son éducation à penser que la société doit ci, puis que la société doit ça, éventuellement, il puisera pas dans ses forces. Puis il n'aura pas cherché en lui cette énergie-là qui fait partie de son identité. Donc, il sera toujours un numéro. Il est là le phénomène du numéro. Puis il y a bien des gens qui se sentent comme des numéros en société. Puis quand est-ce que tu te sens comme un numéro? Quand tu rencontres un médecin, quand tu rencontres un militaire, quand tu rencontres un homme politique, quand tu rentres dans des structures qui sont bien établies, là, c'est là que tu te sens comme un numéro. Mm-mm. Fait que là, vous allez dire, ben oui, mais c'est quoi le problème de se sentir comme un numéro dans des structures, puisque les structures font partie de la civilisation puis font partie de l'ordre établi? Mais le problème, c'est que tu n'es plus capable de communiquer avec ceux qui te numérotent. Fait que moi, quand je vais voir mon médecin, je me sens pas comme un numéro. Je me sens pas comme un homme qui est assujetti au pouvoir médical. Parce qu'il y a un pouvoir dans la médecine. Mm-hmm. Rien que le fait qu'ils ont le droit de couper ton corps ou d'ouvrir ton corps, c'est un pouvoir que la société, démocratiquement, leur donne. Pour des raisons qui sont bénéfiques. Mais si toi, tu es un numéro, tu n'es pas capable de communiquer avec le médecin parce que tu n'as pas d'identité, à ce moment-là, ben, tu deviens mécaniquement, machinalement, numéroté. Donc, tu vis toute la relation étrange qui existe entre un médecin et puis sont pressantes. Mm-hmm. Fait que ce soit au niveau de la médecine, je prends la médecine là parce que c'est un cas particulier, mais que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau des forces militaires, au niveau de la police. Mm. Quand la police t'arrête sur la rue, t'es un numéro. Quand un gars de 6 pieds 4 t'arrête puis il te demande tes papiers, si t'as pas d'identité, tu vas te sentir un numéro. Parce que premièrement, si tu le baves, il peut te sortir de ton char, puis il a le droit, ça fait partie des statuts légaux. Mm. Il peut te retourner de bord puis te mettre des mains dans les airs. Il peut te faire sentir bien petit. Pourquoi? Parce que t'as pas d'identité. Puis pourquoi t'as pas d'identité? Parce que t'es pas capable de comprendre que ce gars-là, il fait un travail. Qu'il y a une femme, qu'il y a des enfants comme toi. Puis qu'il rencontre des gens plus tough que toi, puis que sa vie est en danger, puis que ton rôle, toi, en tant que citoyen, c'est de le respecter, lui. Mais si t'as pas d'identité, donc t'as une fausse identité, puis tu veux le baver ou tu veux être impoli par rapport à lui, lui, il est socialement permis de te tasser, puis il va te tasser. Mm-hmm. Fait qu'après ça, ben, tu vas développer une complexe d'infériorité par rapport à lui. Tu vas haïr la police, tu vas haïr les médecins, tu vas haïr les psychiatres, tu vas haïr tous les gens qui sont en autorité, qui sont des êtres merveilleux, dans la mesure où il y a de l'équilibre entre toi, comme individu, puis eux autres, qui représentent la société. Mm. Puis après ça, ben, quand il n'y a pas de police, puis qu'il n'y a pas de médecins, puis qu'il n'y a pas de psychiatres, puis que l'ordre social tombe, puis qu'on finit dans des situations comme en Bosnie ou whatever, ou en Russie, là, tout le monde se plaint. Est-ce qu'ils sont un policier? Est-ce qu'ils sont un psychiatre? Est-ce qu'ils sont ceux qui étaient en autorité? Est-ce qu'ils sont les professeurs? Mais c'est à vous autres de garder les professeurs quand vous en aviez des professeurs. Fait que si vous les aviez gardés parce que vous aviez de l'identité, vous n'aurez pas de problème aujourd'hui. Mmh. C'est un petit peu de même, ça marche. Mmh. Très bien. Ça veut dire que les gens qui n'ont pas d'autorité, sociale ont... si on a un manque d'identité, ont une rébellion naturelle. C'est ça le problème. Puis c'est eux autres qui sont à l'origine de la violence? C'est eux autres qui sont à l'origine de la violence, oui, parce que c'est eux autres qui ont la capacité grégaire d'engendrer le feu de la violence quand c'est déclenché par des événements sociaux qui sont remarquables ou remarqués. C'est eux autres. Fait qu'ils veulent être en autorité, mais par la porte d'à côté. Ils veulent être en autorité par la porte d'à côté, c'est-à-dire quand tout le monde, là, toutes les consciences animales vibrent, là, tout d'un coup, là, parce que, bon, je donne l'exemple de King en Californie. Là. Toutes les Noirs, là, quand la conscience des Noirs a été déclenchée par le phénomène de King, toutes les Noirs se sont mis en autorité. Ils ont voulu ne pas être un numéro, temporairement. Mais ça dure temporaire. Puis si Wilson, je ne sais pas si c'était Wilson qui était au pouvoir à ce temps-là, si Wilson avait été moindrement intelligent, il aurait envoyé tout de suite les forces militaires, puis ça aurait barré ça. Pop, pop. Un petit peu comme Trudeau a fait dans le temps. Là. Ça n'a pas duré longtemps, la FLQ, ce temps. Fait que c'est ça l'affaire. Mais dans le temps, il était critiqué. On l'a critiqué parce qu'on n'aime pas ça, avoir l'autorité qui vient et qui tasse, qui contient un égrégore. Mais les gouvernements sont faits pour ça. Les masses pourront jamais renverser un gouvernement. Mais ça s'est déjà fait dans le passé. C'est pas les masses qui renversent un gouvernement. Ce sont des individus. Des individus, oui. Auxquels les masses ont une allégeance, une fidélité. C'est pas les masses. C'est des individus. C'est pas les Russes qui ont renversé le système socialiste en Russie. C'est Gorbatchev, ouais. Yeltsin. C'est eux autres qui ont fait qui ont créé le mouvement. Puis les masses se sont ralliées à ça. C'est ça. Bon. Ça prend des individus forts qui ont du charisme, et ainsi de suite. Les masses ne sont pas capables de rien faire. Les seules choses que les masses sont capables de faire, c'est de détruire. Un petit peu comme Maurice Richard dans le temps, quand il avait été sorti il y avait eu une punition, bon, là. C'est ça. Bon, le monde sont descendus dans les rues, puis ont cassé les vitrines chez Eaton, chez Morgan, puis de Sainte-Catherine dans le temps. Mm-hmm. Les masses ont une capacité de détruire, mais ils n'ont pas une capacité de construire ensemble s'ils n'ont pas de chef. Mm-hmm. Fait que ça va loin l'affaire de l'identité. Bien loin l'affaire de l'identité. Fait qu'une identité sociale, finalement, c'est un chef qui a de l'identité. Une identité sociale, c'est un état mental, social, à un certain niveau, qui est maintenu en équilibre par une région de chefs, des chefs de différents calibres, parce que c'est une pyramide, la société. Tu as le président, vice-président, secrétaire, trésorier, puis ça descend, tu as des agences, ainsi de suite. C'est ça qui tient toute l'affaire ensemble. C'est ça une identité sociale. Mm-hmm. Un culte social, j'appelle ça un culte social. Mm-hmm. Qui est généré par un chef. Qui est maintenu par un chef ou par des sous-chefs, qui est maintenu là, mais qui est rattaché aussi à des principes de conservation qu'on retrouve dans les constitutions nationales. C'est les constitutions, dans le fond, qui sont réellement l'âme des pays, comme aux États-Unis et au Canada. Là, on est dans un tournant là, au Québec. On peut-tu parler d'une recherche d'identité sociale? Au Québec, là, on est dans une recherche d'identité sociale, effectivement. Puis il va falloir qu'on choisisse entre si tu oui ou si tu non. Mm-hmm. Ça va être intéressant de voir à quel bord ça va. Ça va-tu dans le oui, ça va-tu dans le non? Un individu, un type qui est dans son individualité, il va dire, bon, ben, moi, je suis pour le oui, je suis pour le non, ça serait intéressant de savoir qu'est-ce qu'il décide. Il décide. Tandis qu'un homme qui n'est pas dans son identité, il va se coller à un oui ou à un non pour pouvoir avoir l'impression d'appartenir à quelque chose, de faire une différence. Fait qu'il y a différents niveaux de d'identité. Okay. C'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que quand je regarde la bourse, par exemple, quand une personne vend un stock, il y en a toujours un qui achète. Donc, il y a toujours quelqu'un qui pense le contraire de toi. Mm-hmm. OK? C'est fantastique de voir qu'il n'y a personne qui pense la même chose en même temps. Mm-hmm. Donc, le conflit ou la guerre ou la dualité va toujours exister parce que si on prend position pour un oui, il y aura toujours une gang de non, puis ça va toujours générer de la chicane en quelque part. Mm-hmm. Donc, c'est impossible d'éteindre la violence dès qu'on prend position. C'est impossible d'éteindre la violence si on a une conscience sociale. OK. Donc, avoir une identité... Où on peut la réduire, la violence. Il y a des pays où la violence est réduite, comme au Danemark. Il y en a toujours de la violence en potentiel. Mm-hmm. Mais c'est parce que c'est des pays qui sont bien organisés. Mais techniquement, la violence, ça vient de la polarité. Tandis que si un individu est dans son identité, il n'est pas particulièrement attiré à une polarité ou à un autre. Fait qu'à ce moment-là, le caractère violenteux de sa relation avec la société, il disparaît. OK, bon, une personne comme vous qui êtes objectif de par la fusion, vous pouvez voir tous les avantages, exemple, dans le cas du Québec, du oui, puis les avantages du non. Vous êtes capable de le voir. Et vous êtes capable aussi de voir les désavantages. Comment qu'un individu traite avec la société quand lui, c'est ses avantages à lui qui priment et non pas l'avantage d'une collectivité? On peut pas prendre position quand on est objectif. Quand on est objectif, on ne peut jamais prendre de position. On fait simplement des études. C'est ça. Tu ne peux pas être dans une conscience universelle puis prendre position. Tu sais, c'est comme tu étudies le mouvement. Si on prend le pire des cas, tu regardes le mouvement nazi en Allemagne. Tu prends le sort des Juifs qui était réellement un sort terrible. Tu prends la condition allemande qui était aussi une condition terrible parce qu'elle était assujettie au charisma. Au charisma satanique de Hitler, puis occulte de Hitler, puis de Himmler, puis toute la gang de Berlin. Mais si tu le regardes d'un point de vue universel, mais là, tu t'aperçois que l'Allemagne, c'était la représentation, la réincarnation des dernières forces centuriennes romaines. Mm-hmm. Fait qu'il y a une connexion. Tu vois la position des armées à Nuremberg, tu vois la façon que les Allemands se comportaient au niveau militaire, au niveau du protocole militaire, au niveau des manœuvres esthétiques militaires. C'est totalement légionnaire romain. Mm-hmm. Fait que t'as simplement a repeat of history. C'est une répétition de l'histoire. Fait que t'es pas capable de le juger, ça. T'es pas capable de juger parce que ça a une fonction. Parce que ça fait partie de toute l'expérience humaine. Ça fait partie du karma planétaire. Mm-hmm. Fait que quelqu'un qui étudie toutes les manœuvres géopolitiques de l'Allemagne durant la Deuxième Guerre mondiale, c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Mm-hmm. D'un côté, il ne faut pas que tu dises ça à un juif. Parce qu'il ne sera pas content. Mm-hmm. Puis il va avoir raison. Mm-hmm. Parce que son peuple a souffert. Mm-hmm. Puis de l'autre côté, tu es capable de regarder un juif et dire, si tu avais été un juif conscient, tu aurais crissé ton camp, niaiseux, au lieu de rester là. Ben non, tu voulais rester là parce que tu avais tellement peu d'identité que tu voulais vivre la souffrance de pour ton peuple. Mm-hmm. Fait que poétiquement, ça a de l'allure. Mais psychiquement, ça n'en a pas. Mm-hmm. Fait que les Juifs qui ont été intelligents, c'est ceux qui sont partis de Berlin puis de Nuremberg, puis qui ont pris le train, puis sont allés à New York, qui sont là aujourd'hui dans le Diamond Center. Eux autres qui rentrent. Fait que tu peux pas juger. Non, c'est un fait. Quand t'es objectif, tu peux pas juger. Fait que dans un sens, quand t'es objectif, quand t'es objectif, t'as beaucoup de difficultés à donner raison à l'histoire. Parce que t'es toujours au-dessus de l'histoire. C'est un petit peu comme Hegel qui parlait de Geist of History. T'es toujours dans l'esprit de l'histoire. Fait que moi, je suis pas capable de regarder le Québec au niveau de la polarité du Québec, le oui puis le non, et ainsi de suite. Parce que je suis obligé de regarder le Québec dans l'esprit du Québec. Mm-hmm. Là, à ce moment-là, la politique a de l'allure que ça soit que ça aille dans le non ou que ça aille dans le oui. Mm-hmm. Sans ça, ben, tu polarises tes émotions, tu polarises ton intellect, puis tu deviens, dans un sens, un participant mécanique à un mouvement historique qui ne ressort même pas de ta volonté. Mm-hmm. C'est pas de ta volonté. C'est de la volonté des gars qui ont 10 ans, 15 ans, puis là, ça se greffe à un autre, puis ça se greffe à Parizeau, puis ça se greffe... Tu sais, ça ressort pas de ta volonté. Si ça sortirait de ma volonté, à ce moment-là, ça serait une autre affaire, mais ça ressort pas de ma volonté. Mm-hmm. Fait que l'homme individualisé n'est pas capable d'utiliser sa volonté socialement. Mm-hmm. Il l'utilise individuellement. Il l'utilise individuellement. Ça. Tandis que l'homme inconscient utilise sa volonté socialement à travers les entrapements sociaux. Donc, le référendum, c'est un exemple. Ou les idéologies d'un pays socialiste, c'est un exemple. Ou ce qui se passe en Bosnie-Herzégovine, est un exemple. Tandis qu'un individu n'est pas capable d'utiliser sa volonté socialement, il l'utilise totalement individuellement. Fait qu'automatiquement, à un certain moment de sa vie, il est obligé de s'exclure du cirque idéationnel de sa civilisation pour rentrer dans sa propre culture, c'est-à-dire dans sa capacité personnelle de cultiver ses idées, c'est-à-dire de se mettre en vibration créative pour que descendent sur le plan matériel des idées qui ne sont pas atteintes ou qui ne sont pas connectées à ce que la société pense. Donc, la psychologie évolutionnaire, c'est ça. Je ne sais même pas qu'est-ce que c'est, moi, la psychologie évolutionnaire. Je veux le savoir, mais que je me mette en vibration, puis que je commence à taper sur ma machine. Mm. Mais ma volonté va permettre que ça descende, puis à ce moment-là, ben, l'homme, moi inclus, va accéder à un autre niveau d'information. Mais si je n'étais pas individualisé, à ce moment-là, je ne pourrais pas le faire. Parce que, premièrement, je serais entrapé par le besoin d'avoir la certitude d'avoir raison. Alors que je ne suis pas intéressé, moi, à avoir raison. Moi, quand j'écris un texte, puis je dis, bon, mais ça se passe de même, le phénomène humain, ça se passe de même. Point final. Mm-hmm. Fait qu'en ce qui me concerne, ça se passe de même. Si vous venez me voir et vous dites, bien, Bernard, moi, je ne pense pas que ça ne se passe pas de même, je vais vous dire, bien, tant mieux. Je suis content que tu ne penses pas que ça ne se passe pas de même. Mm. Jusqu'à temps qu'un jour, tu réalises que ça se passe de même. Mais vous voulez là, pas... Vous allez dire, bien, qu'est-ce qui vous permet d'attendre que le gars prenne 5 ans ou 10 ans pour réaliser que ça se passe de même? Puis je vais vous répondre, mais c'est un taux vibratoire. Quand son taux vibratoire va monter, il va s'apercevoir que ça se passe de même. Parce que le taux vibratoire est universel. Il n'est pas conditionné par l'intellect. Il n'est pas conditionné par la psychologie non identifiée de l'individu, il n'est pas conditionné par des facteurs de vie qui sont anciens. Il est conditionné simplement par des facteurs de vie qui sont en vibration instantanément puis qui font partie de son identité. Tout revient à l'identité. Mm-hmm. L'angoisse de l'homme, c'est un phénomène d'identité. Les jeunes qui souffrent dans la société, c'est un phénomène d'identité. Les vieux qui souffrent, c'est un phénomène d'identité. Les gens qui sont en mariage ou en amour puis qui sont pas heureux, c'est un phénomène d'identité. C'est impossible, quand tu es dans ton identité, d'être malheureux. C'est impossible, même si tu es souffrant. Mm-hmm. Moi, je peux être souffrant de ma maladie, mais je suis pas malheureux. Je suis content de ma maladie parce que c'est une belle maladie, parce que je sais ce qu'elle va me permettre de faire, cette maladie-là. Mm-hmm. Mais quand tu n'as pas d'identité, tu es automatiquement assujetti à des polarités, donc à des pertes de conscience. Mm-hmm. C'est ça le numéro. C'est ça. Vous n'avez pas une perception réflexive de vous. Vous avez un constat de vous. C'est ça. OK. Bon, une personne qui n'a pas d'identité va chercher à endoctriner quelqu'un. de par ses idées. Pour trois raisons. Une personne qui n'a pas d'identité, elle va chercher à endoctriner une personne, une autre personne, parce qu'elle va servir de l'autre personne pour se donner du caractère. Ce caractère-là qu'elle va se donner, ça va lui permettre, elle, en tant qu'individu, d'avoir l'impression d'avoir maîtrisé quelque chose. Mais elle ne va pas avoir maîtrisé quelque chose en elle-même. Elle va avoir maîtrisé quelque chose dans l'autre qui est faible. Donc, sa maîtrise devient, à un troisième niveau, une dictature. Une dictature ou un dictateur, c'est un homme qui n'a rien maîtrisé de lui-même, mais qui a réussi à maîtriser dans l'autre. Un dictateur, c'est un dictateur, c'est un homme vide. Mm-hmm. C'est un homme vide. Il a maîtrisé dans les autres. Mais lui, il ne s'est pas maîtrisé. Il n'a rien maîtrisé en lui-même. C'est pour ça que le phénomène de l'identité, c'est probablement le phénomène le plus occulte chez l'homme. Puis d'ailleurs, on le découvrira un jour, puis on écrira certainement des livres, puis des chapitres sur le caractère occulte de l'identité. Puis on verra que l'identité, c'est réellement la suppression totale de la programmation planétaire de l'homme. Ce qui lui donne accès à quoi? Ce qui lui donne accès à la parole libre. Quand tu as une identité, tu as une parole libre. Pourquoi est-ce que l'homme n'a pas de parole libre? Parce qu'il n'y a pas d'identité. Les gens vont dire, je ne suis pas capable de parler. Ou j'ai de la difficulté de m'exprimer. La seule raison que vous avez la difficulté de vous exprimer, ou la capacité de parler, ou d'engendrer des notions qui sont réellement révélatrices, créatives, instantanées, c'est parce que vous avez un manque d'identité. Fait que c'est très, très facile d'être intelligent, créatif. Mm-hmm. C'est très facile. Il y a un homme qui est conscient, n'a aucun mérite d'être intelligent. C'est très facile. Ce qui est difficile, c'est la transmutation de ses corps pour en arriver là. Mais ça, ça fait partie de son évolution. C'est pas un mérite de sa part. C'est un constat universel sur la Terre qui est véhiculé à travers son esprit. Mais alors, diriez-vous que quelqu'un qui a d'identité, c'est quelqu'un qui a parfaitement éliminé tous les problèmes avec la domination, sous toutes ses formes? Quelqu'un qui a l'identité est très, très conscient du phénomène de domination parce qu'il aura passé à travers la domination pour désastraliser sa conscience. Un homme là, qui a de l'identité réelle là, aura été obligé de passer, de rendre visite à tout ce qui est domination dans sa vie, puis de l'avoir dépassé pour que ça ne se reproduise plus dans sa conscience. Okay. Ça sous-tend qu'il l'a subi et fait vivre. Il l'a subi, il a pu la faire vivre, puis un jour, il va falloir qu'il l'élimine complètement, parce que dans l'identité, un être de l'identité n'a aucune tendance à la domination volontaire. Mm-hmm. Ça ne fait pas partie de sa lumière. La domination, c'est astral. Puis si vous regardez la domination au niveau satanique, au niveau universel, c'est satanique. La domination, c'est satanique. Pourquoi c'est satanique? Pour trois raisons. Premièrement, parce que ça empêche l'individu de grandir. Tu ne grandis pas dans un environnement de domination. Tu peux grandir, mais tu vas infirmer quelque part. Tu peux développer des forces, mais ça va être des forces brutales, et ainsi de suite. Ou tu vas développer d'autres forces qui vont être totalement réactionnaires, spirituelles, à l'os. Ou tu n'as même plus de volonté, et ainsi de suite, t'sais. Fait que dans l'identité, il n'y a pas de domination. Par contre, il y a une grande force. Cette force-là est basée sur quoi? Elle est basée sur la capacité de l'individu de lutter jusqu'au bout de ses forces contre la domination contre lui. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est un initié? Déjà, on va dire, c'est quoi un initié? Qu'est-ce qui fait qu'un initié est grand, si tu veux? Mais ce qui fait qu'un initié est grand, c'est sa capacité de lutter contre les forces occultes. C'est rien que ça qui fait qu'un initié est grand. Puis une fois qu'il a lutté contre les forces occultes, à ce moment-là, il devient un serviteur de l'homme. Il sert l'homme, il sert l'humanité. Mais si tu n'as pas appris à lutter contre les forces occultes, puis à lutter contre leur domination, parce que tout ce qui est occulte, c'est dominant. Mm-hmm. Tout ce qui est plus grand que toi, tout ce qui est mystérieux, tout ce qui t'a jamais été expliqué, tout ce que tu n'as pas compris, tout ce qui dépasse la logique, puis ce qui t'invite à une connexion télépathique, c'est très dominant. Donc, l'homme va apprendre à pas se laisser dominer par les forces occultes. Puis quand l'homme aura appris ça, l'homme aura vu à travers le jeu de la domination sur le plan matériel, puis il sera plus intéressé à dominer les hommes. Fait qu'à ce moment-là, mais la relation entre lui et les hommes sera une relation très, très fraternelle. Puis c'est dans ce sens-là que l'être humain sur la Terre appartiendra réellement à une race nouvelle. Sans son astralise. Mm-hmm. Est-ce que c'est impossible pour un individu de rentrer dans son identité s'il il n'identifie pas les forces occultes? En d'autres termes, il n'y a pas une personne inconsciente des forces occultes qui peut rentrer dans son identité. Ça dépend à quel niveau d'identité vous parlez. Bien, on parle d'identité. Si vous parlez d'une... Oui, mais c'est parce qu'il y a des degrés là-dedans, tu sais. Si vous parlez d'identité réelle, là, faut que l'homme prenne conscience de l'invisible. Maintenant, il peut prendre conscience de l'invisible au niveau des entités astrales, ou il peut prendre conscience de l'invisible au niveau des forces mentales. Mais il faut qu'il prenne conscience d'un plan au-dessus de lui, qui n'est pas humain. Bon, Hitler, il était dans le culte. Hitler était dans le culte. Il avait une conscience des entités. Il avait une conscience des entités. C'est pour ça qu'il avait une si grande identité, d'ailleurs. Il avait de l'identité. Il avait une très grande identité négative. Il avait une grande identité. Ça a été la source de son pouvoir. Mm-hmm. Bon, si c'est la source de son pouvoir, mais que l'individu est manipulé par ce pouvoir-là, il n'y a pas d'identité réelle. Il y a une identité... Que tu aies une identité de lumière ou que tu aies une identité satanique, c'est une identité. OK. T'sais, une identité, c'est quoi? C'est trois choses. Une identité, c'est une capacité de faire. Une identité, c'est une capacité de savoir. Une identité, c'est une capacité de détruire ou de construire. Et là, la différence. Fait qu'Hitler, il avait la capacité de détruire ou de construire. Il a détruit parce qu'il était astralisé. Il a détruit parce qu'il n'avait pas suffisamment de lumière en lui. Autrement dit, il a détruit parce qu'il était, il était en relation avec des forces qui étaient noires. Mais ça, ça faisait partie du karma de la race. Mm-hmm. Quand Steiner est venu en contact avec Hitler sur le plan astral, Steiner l'a vu, Hitler. Il l'a vu dans sa forme astrale. Il a vu sa lumière. Il a vu que c'était un être satanique. Puis toute sa vie, il l'a combattu au point où Hitler a voulu le faire descendre à Munich quand il est sorti du train. Mm-hmm. Fait que c'est intéressant que vous ameniez ça. C'est bien important qu'on parle, puis qu'on parle, puis qu'on parle, puis qu'on parle, parce que c'est en parlant qu'on fouille des filières. Quand on parle d'identité, au bout d'une identité, es-tu bonne d'identité? Elle n'est pas bonne. Es-tu négative d'identité? Es-tu positive d'identité? Faut qu'elle soit créative. Si elle est créative, l'identité, à ce moment-là, est utile. Sans ça, elle va devenir destructive. Parce qu'un homme qui est en contact avec les forces occultes, que ce soit un homme qui est en contact avec les forces de la magie noire, ou que ce soit un homme qui est en contact avec les forces de la lumière, faut qu'il dente. Puis ça fait partie de toutes les connaissances de l'évolution. C'est ce que l'homme apprendra. L'homme, n'oubliez pas une chose, que la Terre, notre planète, c'est une planète en quarantaine. C'est un gros laboratoire universel. Il faut que l'homme en arrive finalement à venir face à face avec sa réalité. Mais venir face à face avec sa réalité, c'est pas un constat spirituel. C'est pas une dictée spirituelle. C'est une guerre. Un homme qui vient en contact avec son double, il doit en arriver à la guerre. Si Hitler avait fait la guerre aux entités qui étaient en contact avec lui, si Himmler avait fait la guerre aux entités qui venaient en contact avec eux autres, probablement que l'Allemagne, telle qu'on la connaît ou telle qu'on l'a vécue, n'aurait pas eu lieu. Un homme qui ne vient pas en contact, qui ne fait pas la guerre. Moi, savez-vous, quand j'ai des grandes, grandes souffrances avec eux autres, là, comme dans ce temps-ci, là, je vais leur dire, mais sacrement, mourir, c'est pas grave. Mais attendez-vous à une crise de guerre de l'autre bord. Fait que la guerre, il faut qu'elle continue. Mm-hmm. Fait que organisez-vous pour traiter avec moi avec la même générosité que moi j'ai traité avec les hommes. Mm-hmm. Parce que si vous m'utilisez contre ma volonté pour votre plan sur le plan matériel, pendant que moi je détruis ma santé, que mon système immunitaire tombe, je vais vous faire une crise de guerre de l'autre bord. Si ce que je sais, c'est ça. Mm-hmm. Fait que la guerre, il faut qu'elle continue. Il faut que l'homme en arrive un jour, puis l'homme va en arriver un jour, à maîtriser les forces solaires. Puis la maîtrise des forces solaires, c'est basé sur sa capacité indomptable de détruire en lui la crainte. Là, je vous parle, là, je vous dis des choses au 20e siècle, puis vous n'avez pas d'idée au niveau du temps ce que ça représente. Parce que la psychologie évolutionnaire pour l'humanité, c'est simplement un aperçu de l'occulte. Mmh. Alors que pour moi, la psychologie évolutionnaire, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de ma mort, ça fait partie de ma transmutation, ça fait partie de ma lutte, ça fait partie de mon déchiffrage des archives, ça fait partie de mon contact constant avec eux autres. Fait que je peux pas avoir, par rapport à l'invisible, la même perception que l'homme a eue pendant l'évolution, soit au niveau des métaphysiques, de l'occultiste, de l'ésotérisme ou des religions. Donc, il y a une guerre. Faut qu'il y ait une guerre. Une fois que l'homme va avoir compris ça, l'homme va maîtriser toutes ses énergies, mentales, astrales, éthériques, matérielles. L'homme va devenir un, et à ce moment-là, on pourra parler de la naissance sur la Terre, de ce que j'appelle une régence planétaire, c'est-à-dire un gouvernement capable, sur des plans subtils, de contrôler ce qui se passe sur le plan matériel. Là, on commencera à avoir la paix, puis rentrer dans le deuxième millénium. Mais ça se fait pas déjà, ça, ce contrôle à partir des plans subtils? C'est très, très, très, très graduel. Très graduel, très graduel. Mais faut que ça en vienne un jour à un point où la Terre, où les gouvernements sur la Terre, où les forces sociales sur la Terre soient réellement facilement mises en communication avec d'autres dimensions. Pour qu'il y ait finalement sur la Terre un âge d'or, puis que l'homme rentre ou ait accès à des grandes sciences. C'est comme, je vous donne un exemple, là. Je viens de voir cette semaine un film qui a fait un bout de chemin dans le monde, là, qui est arrivé en Angleterre, puis c'est une autopsie des extraterrestres qui a été faite supposément en 1947 aux États-Unis, près d'Albuquerque, puis l'incident de Roswell. On est en 1995. On a accès à de l'information qui vient de 50 ans, qui peut être vraie, qui peut être truquée. Nobody knows. Les gouvernements de 47 aux États-Unis, ils savent plus ce que c'est, cette information-là. Le mental des Américains était totalement différent dans ce temps-là d'aujourd'hui. Il y a eu tellement de mutations au niveau de l'information que là, on regarde des films de même. Puis les gars, ils ont fait ça sérieusement, dans le sens que ils ont fait venir des spécialistes, des gens qui font des autopsies, les meilleurs, comment est-ce qu'il appelle ça, je sais pas le terme médical. En tout cas, un médecin qui est reconnu dans le monde, qui a fait 40 000 autopsies dans sa vie. Ils font venir des spécialistes pour voir, puis des spécialistes du cinéma, du film, Kodak, ainsi de suite, pour voir si ce film-là est réel. On est en 1995, puis on peut pas savoir, je parle, on n'est pas en Russie, là, on peut pas savoir si ça, ce qu'on voit sur la pellicule, c'est réel. Encore. Il y a encore un doute. La seule façon que tu peux avoir une confirmation, c'est par en dedans. Mais si tu as une confirmation par en dedans, ça veut rien dire parce qu'il n'y a pas d'émotion. Fait qu'eux autres, comme même qu'eux autres me diraient, bon, le cas de Roswell, c'est réel. Il y a eu trois extraterrestres qui sont venus. Il y a un qui s'appelait là, tel nom, l'autre s'appelait tel nom, l'autre s'appelait tel nom. Puis il venait de telle planète, ainsi de suite. Ça me dit quoi, moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Je trouve bien pas pour aller à la presse à Montréal puis leur écrire une histoire sur l'histoire de Roswell. Je suis pas intéressé. Fait que c'est comme si me parler de ça, ça m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que j'ai plus d'émotion dans le mental. J'ai pas d'imagination. Fait que j'ai pas mon Dieu, mais Chris, s'ils sont pour venir, ils viendront chez nous, puis cognent à la porte, puis après ça, ben là, je saurai que c'est vrai. Mais en attendant, foutez-moi la paix avec les interventions planétaires, interplanétaires, cosmiques, ainsi de suite. Foutez-moi la paix. Autrement dit, je suis pas intéressé en tant qu'être humain à me faire constamment bardasser le cerveau pour goûter un petit peu à l'étrange, pour goûter un petit peu à ce qui est grand, ou peut-être goûter un petit peu à ce qui est transhistorique. Pourquoi? Parce que mon identité ne me permet pas, en tant qu'individu, d'astraliser l'information. OK. Je suis pas intéressé. Donc, ma femme me dirait, bon, mais j'ai vu un extraterrestre hier, je dirais, good for you, va manger avec. Je suis pas capable de croire. Puis c'est pour ça que j'appelle, là. Sans ça, ben, je serais toujours à la recherche de, puis à la recherche de, puis à la recherche de. Tu passes ton temps à vivre à la recherche de. Pour être intéressé. On est toujours sollicité. À ce moment-là, ben, si vous venez chez nous, mais qui vient